Clément. Comment ça va, Tenaille? Il a appuyé, j'étais pas prêt. Bah, il va bien. Et toi donc? Je vais bien, je vais bien. Je me suis pris un peu de sucre. Eh, hey, pour une fois, on peut clink-clunguer. Eh ouais. Alors attends. Avant de clink-clunguer, parce qu'on va faire un clink-clung qui nous balance le générique. Comme ça, on va être d'une efficacité redoutable. On va pas se faire bannir. Par qui? Bah, je sais pas. Clink-clung. Y a pas. C'est pas protégé le clink-clung. Non, c'est bon. On arrive donc pour cette 18e. 18e, exactement, j'allais dire. On tient le compte. Donc, ouais. Et à la tienne. Eh, santé, mon bon Jack. Cling. Le principe du cling, c'est de cling, voilà, et sinon, de clong. Voilà, ah, sinon, oui, c'est un cling. J'étais pas concentré. Okay. Cling, clong, générique. Il est tombé, le monsieur. Effectivement, il a chu. On va vous parler donc que d'une légende, d'un homme de par qui tout Internet a déjà ri au moins une fois. Mais pas que. Bah non, quand même. Non, on va parler d'un musicien hyper important. Il a fait partie d'un groupe ultra connu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait autant parler de lui de par ses frasques, même si elles sont un peu plus derrière lui que devant, que par tout ce qu'il a pu apporter à la musique et principalement au black metal. C'est bien dommage. Qu'est-ce qu'il a? Ok. On va donc parler de... Abath. Par cœur, toi. Ouais, parce que je me suis un peu fait plaisir sur celle-là, en fait. D'accord, ok. En fait, je dis pas pourquoi, mais c'est une cover. C'est une reprise d'un autre groupe. D'accord. Des vrais sauront. J'étais en train de me dire un truc. Ah bon? Bah oui, la voix, parce que bah, j'en ai mangé un petit peu pour le travail. Ouais, bien évidemment, bien évidemment. Du coup, je me suis dit, tiens. Donc, on va parler d'Abath Doom Occulta, donc musicien norvégien spécialisé dans le black metal. Mmh. Alors, qui revient pour la troisième fois 2016, 2022 et donc en 2025 au Hellfest, sachant que là, il revient sous son statut de Abath. D'accord, ok, ouais. Parce qu'il est déjà venu aussi avec Immortal, son groupe, parce que c'est de là quand même, on ne peut pas parler d'Abath si on ne parle pas d'Immortal, qui est quand même un pionnier du black metal, vraiment. Là, on est dans ce qui se faisait de plus chic dans le black metal à l'époque, tu vois. Ça, il fait vraiment partie des tout débuts avec tous les. Il était vraiment à la base dans Immortal. Les musiciens, en fait, ils traînaient tous ensemble, ils se connaissaient tous. Toute cette partie norvégienne du black metal était ensemble. Et donc, il a fait partie d'Immortal, qui a vraiment s'est fait connaître. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une forme de séparation. Il y a eu des trucs un peu très bizarres dans leur histoire. En gros, il y a un moment donné, il est parti. Immortal s'est un peu arrêté, mais non. Puis il est revenu jusqu'à plus ou moins se faire dégager techniquement. En fait, apparemment, il se serait fait virer. Mais de ce que j'ai lu, même dans une interview, en gros, il a l'air de dire que on m'a dégagé. Personne, même pas les gens de chez Nuclear Blast de l'époque, ont essayé de savoir ma version des choses. C'était Recta, je dégage. Ah merde. Ouais. Ah ouais, donc. Personne sait le pourquoi du comment. Si, principalement, je pense que c'est parce qu'il a des gros problèmes d'alcool. Vraiment. Et qu'en fait, il a foutu le bordel partout et que l'autre musicien historique de Immortal, à savoir Démonaz, lui, il a dit c'est bon, ça suffit maintenant. Ah merde. Mais en fait, quand tu regardes l'histoire d'Immortal, c'est très bizarre parce qu'il y a une partie où Démonaz, le guitariste, et donc, a dû quitter parce qu'il avait une espèce de tendinite qui l'empêchait de jouer de la guitare. Qui en plus, donc, je vous rappelle, il faisait aussi partie à l'époque de ces groupes qui ne gagnaient pas assez avec la musique, donc qui avaient des boulots à côté. Okay. Et donc, en fait, lui, Démonaz restait dans Immortal, mais en tant que parolier, mais il jouait plus de la guitare. Abath, à un moment donné, était au début bassiste et batteur en studio, et passé guitariste. Donc, en fait, toi, il y a eu plein de petits moments de trucs comme ça. Okay. Et puis après, Abath, il y a eu beaucoup, beaucoup de frasques, beaucoup, beaucoup de dérives. Je lisais encore un truc où il disait qu'il y a des concerts où il se souvient être monté sur scène et d'être descendu entre les deux, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ah merde. Comme quoi, il aurait craché du feu et tout, mais tu sais, sur scène, les trucs prévus, mais il en a aucun souvenir. Et il s'est réveillé, lui, dans sa loge le lendemain, non, ou dans sa chambre, d'hôtel le lendemain, pas démaquillé, rien, et c'est un des musicos qui est venu le chercher, le réveiller. Ouais, ouais. Il y a une autre fois, il a dû se faire virer du back-end, pour des embrouilles où il a dû s'énerver dans les loges, il a dû jeter des trucs et à moitié casser des machins. Il dit, ouais, mais j'étais pas forcément énervé, en fait, j'allais pas m'en prendre aux gens, j'ai juste peut-être balancé une chaise ou un ou deux. Pas méchant, quoi. Ouais, voilà, c'est le matériel, quoi. Et du coup, il dit, j'espère quand même que je pourrais revenir jouer, et en fait, jouer au back-end. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ah, d'accord, où c'est il... ça, les fameuses histoires qui font causer sur lui, plus que... Mais il a toujours dit, par contre, je prenais pas de drogue. Il était vraiment à fond sur l'alcool, principalement la bière, on va dire. Mais, non, mais parce qu'en fait, il expliquait que comme Lémy, faut pas toucher à la cocaïne. Okay. Donc, c'est les conseils qu'il donne aussi à son fils, comme Lémy faisait. Ouais. Tu ne touches pas à la cocaïne. D'accord. Ça te bousille le allez, le nez. Santé, fiston. Ouais. Ça te fait des trous dans le pif qui vont directement jusqu'au cerveau. Non, c'est de la merde, ça. Ouais. Faut prendre du speed et de l'alcool. vraiment, c'était leur conseil. Donc vraiment, Abba, c'est tout un univers comme ça. Il y a vraiment, bah, déjà, comment dire, rien que visuellement. Quand tu penses black metal, tu penses au... Ah bah, à ce style de maquillage-là, complètement. Voilà. Ouais, et tu penses à ça parce que, par exemple, dans Guitar Hero, il y a un personnage qui est inspiré de lui. Oui, oui, oui, carrément. Et ben, il est totalement inspiré, c'est volontaire, voilà. D'accord. C'est vraiment de lui, de son physique. Okay, parce qu'il est carré comme lui, il a son, sa même. Et donc, ça fait partie de toute la légende qu'il y a autour de lui, que ça soit musicalement, il était là dans les débuts du black metal. Aujourd'hui, eh ben, il fait sa carrière solo où il reprend il a essayé de surfer un peu sur, pas vraiment surfer, mais on va dire qu'au début, ça ressemblait un peu de Immortal. Moi, je trouve que justement, sur les deux, j'ai adoré le premier album d'Abbas, les deux suivants m'ont un peu moins, j'ai un peu moins aimé, ils sont un peu plus aériens, ils sont moins rentrés dedans, c'est petit peu moins ma came. Mais le premier album d'Abba, j'ai beaucoup aimé. Mais il est aussi connu parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les images, enfin des représentations physiques, des mèmes, tu sais, les trucs qu'on voit sur Internet, les images marrantes. Ouais. Et c'est souvent lui et le batteur d'Immortal qui sont stylisés dans des blagues et tout ça, en d'accord. rapport avec ça. Okay, okay. D'où, ou dans les vidéos marrantes de ces phrases, comme je t'ai montré juste avant, c'est ouais, où ouais, il c'est court vers la scène, il tombe, il roule sur lui-même. Voilà. Donc et ça, il le faisait à la base, normalement, il le faisait en jouant. Non, c'était son idée. Je dis, j'ai monté sur scène en passant par l'extérieur . Et je vais courir en détalant. Et okay. Malheureusement, voilà. Mais c'est une entrée en matière plutôt rigolote quand même. Ouais, et il en a beaucoup des comme ça, apparemment, des histoires, des histoires et des passages un peu à côté où il dit, il faudrait que j'écrive un livre avec quelqu'un parce que j'ai vraiment plein de trucs. Et même dans les interviews que j'ai pu lire, en fait, chaque fois, ils disent, ouais, quand tu tombes sur Abbas, c'est tellement un personnage que il déballe tout seul, en fait, il déroule, il va te parler de plein de trucs. Tu vois, c'est un vrai passionné de musique, de plein de trucs. Il est fan de Kiss, il est fan de Metallica, il est fan du King, il est fan de plein de trucs. Il a des photos de ses artistes qu'il adore et tout. Et à côté de ça, il part en couille dans les trucs qu'il peut dire. Tu vois, il a plein de trucs. Okay, aujourd'hui, par exemple, il est fan du partage aussi, il aime bien. Ouais, mais apparemment, maintenant, il ne consomme plus d'alcool normalement. D'accord. Normalement, il a arrêté. Ce qui fait que. Peut-être un petit peu plus posé. Bah, en gros, de ce qu'il avait l'air de dire dans cette période-là, c'est quand je dis il en boit plus, c'est que pour lui, il en boit plus. Mm. Pour nous, c'est quand même un peu en boire. Mais genre, il dit que s'il en boit une fois, le lendemain, il sait qu'il ne faut pas qu'il en boive, tu vois. C'est... D'accord, oui, il a. Voilà. Oui. Mais après, je ne sais pas, peut-être qu'il a atteint un niveau zéro d'alcool et tout ça. Mais... Peut-être l'âge aussi. Oui. Tu dis, les lendemains sont un petit peu plus difficiles. Non, mais c'est. ça fait partie des trucs qu'il raconte. Il dit au début, quand on avait un pige, on y va. En fait, il disait, on tournait un mois non-stop. Il dit pendant un mois non-stop, j'étais défoncé. Ah alors ouais, le gars, il dit un mois non-stop. Wow. Après, tu rentres chez toi, il n'y a plus rien qui est pareil. Époque, hein. Ah bah, c'est une autre vie aussi. Hein. Ouais. Il dit, t'es là en fait, il dit, t'arrives dans un festival, un truc, tout le monde t'aime, tout le monde t'adore, t'es content, tout le monde veut trinquer avec toi, tu fais la fête tout le temps, tu rencontres tes idoles de toujours, et puis bah, tu bois. Ouais. Putain. Mais t'es jeune à cette époque-là, parce que faut être jeune, hein, parce que tu fais ça, tu joues, tu gères, faut gérer aussi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, ça a commencé à se voir, c'est qu'aussi, les concerts sont devenus de plus en plus merdiques, quoi. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il a perdu beaucoup, ou il était pas dedans, ou voilà. Lui, il a l'air de penser que c'est un tueur, et qu'en fait, il y arrivait pas, quoi. Okay. Et c'est là où il y a une différence, justement, où sur l'album, tu vois quand même que ça joue, alors le chant, c'est le chant typique black metal, donc après, on peut ne pas aimer, mais c'est un truc un peu dans, enfin, c'est là quand même quoi. Et moi pour te donner, j'ai vu déjà Abba, j'étais vu en 2022, j'avais été voir. Ah ok. Et j'avais tenté de prendre des photos. Le problème c'est que d'un concert d'Abba, c'est de la fumée, tu ne vois rien. C'est... Oh merde. Enfin tu vois le truc, mais par exemple moi je pouvais pas prendre de photos, mais c'est très très enfumé, très visuellement, voilà, c'est... Mais le gars est là, il est présent et ça en voit quand même. Il en a perdu au niveau du chant, je trouve. Ce qui n'est pas si... C'est pas si mal. Le rendu, il est pas si c'est mal. Pas si pire. Ça change. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas le. En fait, c'est pas. Est-ce qu'il a perdu? Est-ce que ça chante moins bien? C'est tout. Ou alors c'est parce qu'il était peut-être déjà pas dedans en 2022. Voilà. C'est pas. Ah, tu l'as. Oui, quand tu dis ça, c'est par rapport au live que t'avais vu en 2022. Oui, déjà. Voilà. Ouais, ouais, c'était là. Okay. Oui, non, parce que sur album, je trouve que ça se sent pas. Et donc, la petite particularité, c'est qu'apparemment, pour cette venue en 2025, il semblerait, parce que là, il fait quelques concerts où j'ai été voir justement, enfin les derniers concerts en date, et il reprendrait des titres d'Immortal. Donc, ce serait dans les derniers, d'accord. Okay. Voilà, donc c'est pour ça que je t'avais envoyé la playlist, parce qu'en fait, c'est justement, c'est pour ça que je pense que ça s'appelle Abbas Doum Oculta et pas juste Abbas, que Abbas Doum Oculta, c'était lui à l'époque d'Immortal, et Abbas tout court. Doum Oculta, c'est son personnage. C'est son personnage, okay, qui était dans Immortal. Okay. Et donc là, je pense qu'il revient, et je crois que c'est vraiment ce qui est dit, il va venir pour rejouer des titres d'Immortal. Parce que Immortal aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça existe, si encore d'une certaine façon, mais c'est pas très clair. Hein. C'est une bonne question que tu me poses, parce que moi, de ce que j'ai vu, j'ai dit, bah, c'est pas totalement fini. Hein, donc, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. L'entité existe toujours, ouais, mais pas avec lui. Il leur manque peut-être quelqu'un. Non, regarde, depuis 2006, ils existent toujours, mais lui, il y est pas. Ça, d'accord, c'est sûr. Et donc là, il va venir jouer normalement des titres de Immortal, donc c'est pas tout à fait du Abbas. Et c'est pas tout à fait du Immortal non plus. Ok, ok. Vu qu'il a occupé pas mal de postes et tout, mais que ça reste une des figures présentes, donc c'est un entre-deux. D'accord, ok. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'as pensé d'Abbas? Qui est déjà, on peut le dire quand même, le black metal, c'est ton style de prédilection. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais n'empêche. C'est faux, que... hein, pour les gens qui le connaissent pas, hein, je veux dire, c'est faux. N'empêche que, non, mais j'aime bien le, moi je suis plus post, black que black d'origine. Donc là, on est plus vraiment dans les racines du black, tu vois, ah oui, un peu. Oui, oui. Mais n'empêche que on est dans un black bien, bien rapide, bien énervé. Ah quand ouais, même. Ouais, ouais. C'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même pas mal d'influence thrash, il y a pas mal de trucs aussi. Il y a vraiment, c'est voilà, c'est bien quoi. Ouais. Et donc du coup, bah j'ai écouté Immortal, j'ai écouté les trois albums de Abbas là, et c'est vrai que il y a déjà une différence. Il y a une légère différence. Déjà sur la prod de certains morceaux d'Immortal. Mais c'est la prod, ouais. C'est peut-être la prod qui fait la différence. Parce que sinon, en termes de rythme, de musicalité, de rendu aussi. Ouais. Parce que c'était lui le chanteur aussi sur Immortal. Oui, mais si, oui. D'accord, tout à fait, oui, parce que je me suis dit, je voyais. Pour moi, c'était lui le chanteur. Hein, donc tu m'aurais dit, non, j'aurais fait, ah bah, ils avaient la même voix. Ouais, non, si c'est lui, c'est lui. Mais non, franchement, ça reste du un bon black metal bien énergique. T'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Ça sonne pas si vieux que ça dans l'ensemble. On voit bien que c'est les racines quand même, si tu veux. Mais c'est bien fait. Après, c'est peut-être les albums, parce que moi, je me rappelle surtout des albums d'Abbas, quoi. C'est les derniers que j'ai écoutés. Et en fait, voilà, sur la longueur, j'ai pas beaucoup vu de différence. Et ça sonnait peut-être un peu souvent pareil. Eh ben, tu vois, tout à l'heure, quand je disais pour Slow Mozart qu'ils avaient des idées de riffs qu'ils gardaient depuis longtemps, Abbas, il expliquait que justement, lui aussi, dans ses albums solo, il a des idées qui pouvaient dater de l'époque de Immortal. D'accord. Justement, toi, il recyclait des trucs. Ouais, il dit, il y a un moment donné, t'essayes de composer un riff, ton riff, là, il marche bien. Il dit, mais il marche bien, mais pas pour maintenant. Et en fait, tu le retrouves des années plus tard, et là, il sonne pour quelque chose d'accord, d'autre. D'accord. Et donc, il sonnait pour du Abbas solo, quoi. Ok, ok. Donc, c'est pour ça que t'as sûrement ce sentiment-là. J'ai ce sentiment-là, et du coup, ça me fait me dire que j'aime bien, mais je suis pas fan non plus, tu vois. Ouais. Dans le sens où, quand t'es fan, tu peux en écouter des heures, tu kiffes. Et moi, j'en ai écouté des heures, et c'est pas le grand kiff à la longue, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Répète, tu vois. Et voilà. Sa voix aussi, c'est, elle a son... Ah bah, pour le coup, il a une voix très typique, et c'est pas la plus belle des voix. Elle est marquante, mais elle est pas... Elle se marie très bien avec le style, c'est clair et net. Ah, par contre, belles affiches d'album. Ouais, la première surtout, la 2016, je la trouve trop bien. Elle est vraiment trop bien. La gueule, celle-là. C'est vrai que c'est surtout celle-là. Mais du coup, en fait, par exemple, là, de savoir qui vient et qui va jouer principalement, peut-être même sûrement, exclusivement que des morceaux d'Immortal, est-ce qu'il n'y a pas un côté, justement, histoire du black metal que tu vas pouvoir voir? Ah, si, oui, non, mais après, côté historique, aller voir un petit peu les trucs de légende, d'où vient, des racines du black metal, quoi. Moi, je serais pas contre d'aller y faire un tour. Je serais pas sur un oui convaincu en mode j'y vais super enjoué, tu vois, mais je pourrais y faire un tour de curiosité. Je suis un peu dans le même état d'esprit que toi, dans le sens où moi j'ai déjà vu et j'avais trouvé la prestation moyenne d'Abbas en solo pour plein de raisons différentes. Mais me dire, tiens, s'il le fait en mode Immortal, pourquoi pas? Vraiment, je serais plutôt assez curieux de le voir aussi ce que ça va pouvoir. Bah oui, oui. Et donner. Puis bon, t'es pas à l'abri qu'il se soit vraiment calmé sur. Oui, peut-être. Et qu'il a retrouvé un peu d'énergie, peut-être. Un peu d'énergie, un peu de gouache. Peut-être. Ça peut. Du coup, tu pourrais même en ressortir en disant, ah, c'était mieux que 2022. Peut-être. Bah, peut-être. On va pas savoir. Non, mais peut-être, mais ouais, ouais. Donc, Abbas. Ça serait aller faire un tour. Aller faire un tour, d'accord. Bah, moi, je ferais. Faire un tour. Je ferais faire un tour vers le oui, quand même. Ouais. Pour le côté, tu vois, je suis pas le mec qui dit, ah, j'ai pas vu tel groupe, j'aimerais le voir, mais. Là, il y a un petit côté, le voir rejouer ses morceaux, ça peut être très très cool. Quand ouais, même. Ouais, ouais. Donc, et puis en plus, c'est des bons morceaux quand même. Hein. T'as vu la playlist dans les morceaux oui, que tu m'as envoyé. Ouais. Il y a quand même des bons. Ouais, mais bons... tu vois, sur la longueur, j'aurais pas distingué forcément Immortal de Abbas. Ouais, ouais. Non, mais je peux l'entendre. Après, je avec peux... ma petite oreille. Hein. Non, non, mais ne t'en vas pas. Ne t'excuse pas pour ça. Et... Bah, en tout cas. Merci beaucoup, Tonaï. Bah, de rien. Encore une bonne découverte, quand même. Ah, bah, tu vois, c'est bien. On parle histoire. T'as vu, beaucoup de Norvège, mais bon, Bah, mine de rien, bah, j'avais pas si froid que ça à écouter voilà. Tous ces groupes de Norvège. Bah, oui, ça arrive. Bah, Tonaï, merci beaucoup. Bah, de rien. À la prochaine. Eh ouais, à bientôt. Allez, salut. Tchou-tchou.